matinale de 18h, l'émission décalée des Fadjet. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la matinale de 18h. Une heure à passer ensemble. Ça surprend quand on n'est pas dans le studio habituel, mais on est quand même là avec vous, dans vos oreilles. Et on est à nouveau très nombreux dans le studio. Il y a d'abord Tristan. Salut Tristan. Bonsoir tout le monde. Qui n'a pas fini son petit bonbon. À quoi petit bonbon. C'est un bonbon à l'érésimium, avant même de dire bonjour. C'est un œufon. D'accord. Ça s'appelle un œufon. Un œufon, voilà. Oui, j'ai pas fini mon œufon. On consomme des substances avant le début de l'émission, comme vous le voyez. Il y a également, vous avez entendu sa voix, Caro, qui est revenue. Bonjour. Qui est revenue d'entre les malades. D'entre les quasi-morts. Ouais, dans les quasi-morts. Le fait d'avoir une voix, déjà, ça me rend extrêmement vivante, donc je suis heureuse de la partager avec vous. Je pensais à toi parce que j'ai vu une vidéo qui parlait de cette fameuse grippe qui est vraiment costaud, avec le V, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, ça va mieux. Et puis après, ça replonge total. Exactement. Et moi, j'ai fait l'erreur de me dire, je peux aller bosser. Voilà. Au bout des 2-3 jours. Donc c'est celle-là que tu as eu, toi. C'est pas un truc qu'on appelait le Covid avant, ça? Ah, c'était has-been, là. Non, c'est complètement largué, là. D'accord, ok. Moi, de mon temps, on appelait ça le Covid. Oui, écoutez. De l'eau a coulé sous les ponts. Et on a également. Bah, on n'a pas Jocelyn cette semaine, puisqu'il est absent. Il est à Lille. Il est à Lille. Pour un concours de. Oui, je crois que c'est ça. D'accord. Un concours de cocktail. Et donc, à sa place, qui ne parleront probablement pas de cocktail, on a deux stagiaires, non pas un, mais deux stagiaires de Fadjet. On a Abdelhakim. Salut Abdelhakim. Bonjour. Et Maë, qui sont là. Bonjour, voilà, vous avez dit bonjour, bravo à vous. Est-ce que vous êtes dans la même classe à la base ou en troisième? Non, vous connaissez uniquement du stage, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous aimeriez être dans la même classe? Oui. Ok, c'est bon pour moi. D'accord. Du coup, j'avais mis en normalement un petit fond, donc je vais vous demander, dans un premier temps, je vais te demander à toi, Tristan, est-ce que tu nous as préparé un petit truc, un petit éphéméride? Un éphéméride, ouais. D'accord, tu peux un peu en faire le teaser pendant que je règle ce problème technique. Ouais, je peux faire le teaser parce que là, l'éphéméride, c'est tout ce qui s'est passé, par exemple, un 30 janvier, puisqu'on est un 30 janvier, mais là, il y a quand même du lourd par rapport à un jour normal. Un 29 janvier, il y a vraiment de la grosse date. Ah oui, il y a vraiment de la grosse date. Voilà. Est-ce que ça te va comme teaser? Oui, c'était bien. C'était le temps que je demande au groupe qui est derrière de faire un peu de musique pendant qu'on parle. On les salue. Bien sûr. On les salue, hein, évidemment. Et Let's Show. Le groupe Let's Show, effectivement, ça rappelle. Ça s'est bien passé, ce Let's Show qui a eu lieu il y a une semaine, je crois. Je ne l'ai pas annulé, figurez-vous. C'était le quatrième jour. C'était le moment de... Mais j'ai failli mourir sur scène, comme dirait Dalida. Mais ça s'est bien passé quand même. Voilà, on rappelle. Je me suis droguée à des drogues douces, les enfants, évidemment, du style Doliprane, Vitamine, Beroca, Ginseng, etc. Et j'ai réussi à tenir pile poil. La magie de la scène. Ça vous est déjà arrivé, les gars, d'être vraiment pas bien? Et en fait, c'est incroyable, quand t'as pas le choix, que tu dois être sur scène, t'arrives à puiser des ressources de ouf. Ah oui. Ça marche, le temps du show, quoi. Et juste après, c'est ça. Ah oui, moi, je me rappelle le tout premier spectacle qu'on avait fait avec Cécile et ses drôles de dames, qui est notre troupe d'improvisation théâtrale avec Tristan. Et Caroline. C'était dans un bar, et Caroline d'ailleurs, maintenant, oui, effectivement. Mais oui, c'est vrai. Dans un bar, et j'avais, je pense que c'était le Covid à l'époque, c'était le tout. Non, c'était pas le Covid. Non, c'était Patrick. Oui. Le patron du. Et ouais, j'étais pareil en sueur absolue de jouer, mais après, mais c'est fou, à la fin du spectacle, c'était. Moi, j'avais pas mal de spectacles avec un sacré mal de dos. Et pendant le spectacle, t'as pas mal au dos. Parce que le cerveau se met en mode allez, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que tu y ailles. Et après, ça revient. Hop là, c'est égal. Donc, pour ceux qui nous écoutent, économisez une petite séance médicale, montez sur une scène, n'importe laquelle, et puis voilà. Mais voilà. Voilà, et du coup, et vous les gars, vous faites un peu de scène? Non, pas encore trop de scène. Non. Pas d'art du spectacle. Non. Puisque vous le savez, ici, on parlait du Late Show de Caroline. Caroline est une improvisatrice, tout comme Tristan, d'ailleurs. Tout comme toi. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils sont chevronnés. Et donc, du coup, tu faisais ce Late Show, qui est un show mêlant impro et... mélancolique. Show à l'américaine, voilà. C'est pour, ça. Précision. Alors, on va passer donc une heure ensemble, un peu moins maintenant qu'on parle, on parle. Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui? À chaque fois, je regarde mon téléphone comme s'il y avait écrit le programme dessus, mais pas du tout. En fait, ça on te va... donne de la consistance. C'est pour ça que tu regardes ton téléphone. Exactement. Tout le monde fait ça, franchement. C'est aussi le coup du stylo quand t'as un stylo en main, etc. C'est un le peu. Labello, tu vois. Voilà, exactement. Et du coup, on va faire un petit éphémérite dans un premier temps, comme tu l'as teasé. On parlera aussi un petit peu de ton seul en scène dont on vient de voir les affiches que tu nous as. Voilà, dont le fond ne fait pas l'unanimité. Voilà, un fond orange, on laissera les auditeurs juger. On aura également notre petit quiz actu insolite de chaque semaine. Et puis bon, je pense que là, arrivé à la fin de l'émission, on se dira au revoir, tout on simplement. Bien, hein. Voilà, ouais, on aura fait le nécessaire. Parce que les gars ont dit un bonjour tellement convaincant qu'on a hâte d'avoir le au revoir. Ouais, c'est vous vrai, c'est vrai. Mais j'espère par contre que vous aurez d'autres choses à dire, notamment sur l'actualité politique. Je vous attends énormément là-dessus. Oui, je crois qu'il y a une petite analyse géopolitique. Exactement, en Syrie. Là, ça se prépare. Alors on va revenir après une première pause musicale. C'est justement d'ailleurs un titre, c'est Abdel Hakim qui nous l'a soumis, ce titre, Imagine Dragons. C'est ton favori, ton groupe favori. Oui. Ouais. Ok. Et de il la famille, bien. Tu joues dedans. Non. T'as un dragon. Non. Imaginaire. Non. Voilà. Visiblement non. Il a juste envie d'écouter le titre et qu'on arrête de lui poser des questions. Et il a raison. Ouais. Donc on revient après Imagine Dragons pour l'éphéméride de Tristan. Allez. Imagine Dragons avec Take Me to the Beach sur Fadjet. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes sur Fadjet, effectivement, et nous sommes un jeudi 30 janvier. Tristan, cette semaine, c'est toi qui t'y colle, je veux dire. C'est moi qui m'y colle. Et quelle date? Et je m'y colle pas pour n'importe quelle date. Hein, parce que le 30 janvier? Mais non. Mais non. Je te jure, le 30 janvier, la Sainte-Martine. Déjà. Ah, déjà. Déjà, on commence très très fort. Déjà, ouais, ouais. On salue tous les Martines qui nous... Ouais, c'est une Martine martyre. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'appelle... C'est parce que c'est une martyre. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'appelle Martine? Martine. Je ne sais pas. C'est une martyre romaine du 3e siècle. Comme quoi, elle était déjà convaincue. Hein, parce qu'à l'époque, pour être chrétien, au 3e siècle, ça commençait seulement, quoi, dans l'Empire romain. C'était le début de la hype. Et je précise aussi que tu parles sous le contrôle de nos deux experts en histoire, que sont Abdelhakim et Mahé. Oui, bien sûr. C'est un critère de sélection pour les stagiaires de Fadjet. Ouais, ouais, N'hésitez pas à donner votre version si vous trouvez que la mienne n'est pas cohérente. Effectivement, ils veillent au grain. On est bien d'accord. Je surveille. Ok, merci. C'est bien. Alors, on va passer aux événements historiques. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, dans le teaser que tu m'as proposé de faire, il y a du lourd. On commence entre guillemets léger. En Angleterre, 1649, le roi Charles Ier exécuté. Bim. Ah ouais? Ah oui, oui, oui, à Londres, après avoir été jugé coupable de haute trahison. C'est le premier élément, quoi. Après, on sait ce qu'il a fait, oui, ou pas du tout? Oui, c'est ça, haute trahison, pourquoi? Ah, je ne sais pas. Mais écoute, on va demander tout simplement à Mahé et Abdelhakim de nous le dire. Oui. Abdelhakim, peut-être. Pourquoi Charles Ier a été exécuté le 30 janvier 1649, Abdelhakim? Parce qu'il a fait des trahisons. Oui. Voilà. Et quel genre de trahison? Non, mais il apporte quand même un élément supplémentaire. Des trahisons. Il a trahi. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, Abdelhakim, j'ai l'impression que tu sais, mais tu n'oses pas l'avouer. Oui, c'est parce ça, parce que je pense que. C'est une heure de grande écoute, ouais. Ça peut faire peur. Je suis modeste. Oui, t'as raison. Ouais, ouais. Mais en fait, bon, pour donner quelques infos. Mais alors, c'est de la trahison. Sur une échelle de 1 à 10, quand même, c'est. T'as des infos? Un bon petit 7. Un bon petit 7, parce que j'ai cru comprendre dans le regard d'Abdelhakim qu'en fait, il voulait pas dire qu'il a. Il a fait de la tyrannie pendant les guerres civiles. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le regard de Quelle trahison. Voilà. Effectivement. C'est de la trahison. De la tyrannie. Il a regardé quelqu'un de travers. Ça, c'est 1 sur 10 en tyrannie déjà. On ne dit pas ça. Vous imaginez le 10 sur 10 en tyrannie. 30 janvier 1933. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, je sais. Vas-y. Hitler chancelier. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, mais Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg, à un moment décisif qui précipitera l'ascension, bien sûr. Il a réussi à... Parce qu'il n'était pas majoritaire quand il est arrivé au Bundestag, mais il a fait une association avec, je crois que c'est les nationalistes, et... C'est là qu'il est arrivé, et en quelques mois, boum, la démocratie germanique s'est transformée en Troisième Reich, quoi, et il a dézingué tout le monde, très rapidement, tous les opposants, hop là, ça peut arriver très vite. Voilà. Oui. Mais c'était sans compter sur le 30 janvier 1948, en Inde. Qu'est-ce qui s'est-tu passé? 30 janvier 1948 en Inde. 1948, le 30 janvier en Inde. Bah, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance des éléphants. Mahatma Gandhi qui est assassiné à New Delhi par un extrémiste hindou. Pourtant, c'est le prêche de la non-violence, Mahatma Gandhi. Bah oui, bien sûr. Et qui a été, il s'est fait assassiner. Et oui, bah oui. Donc il y a quand même du lourd. Pour le 30 janvier, mais en termes d'événements. C'est pas des trucs joyeux. Là. Est-ce qu'il y a au moins un événement un peu sympa, un peu... Ouais, merci, quelle transition. Ah. Un événement culturel, le premier spectacle des Beatles. Non. Wow. Un 30 janvier. Alors quelle année ça? 69. Ah, très bien. Non, leur dernier concert public, pardon. Oui. Voilà, c'est leur dernier concert public. J'ai cru surprendre un petit regard interrogateur entre vous. Qui sont les Beatles? Est-ce que vous voyez les Beatles ou pas du tout? Par exemple, une chanson des Beatles connue. Très franchement, moi je suis pas sûr d'être capable d'en donner une comme j'ai ça. Pas là. Chanson, si, Eleanor Rigby. Ça s'en est. Par exemple. Michelle, ma belle. Lucy in the sky with diamonds. Strawberry field forever. Je préfère quand Caro chante, je pense. Yellow submarine. Voilà, c'est un petit pas de foire comme ça qu'on vous lit. Voilà. Il n'y a rien qui vous parle. Je connais juste le chanteur du groupe. Qui ça? John Lennon. Ouais. Wow. Qui a bien joué, effectivement. Ouais, ouais. Donc ça, c'était les événements. Mais il y a des décès. Bon, on en a parlé. Mahatma Gandhi, qui est décédé le jour-là. Et Ferdinand Porsche, qui a créé... Les Porsches. Oh ouais! Bien joué, effectivement. Mais les Porsches, les voitures ou les Porsches devant les maisons? Oui, c'est ça. Alors, l'histoire ne le dit pas. Ah. Non, c'est les voitures. En 1951, Ferdinand Porsche, ingénieur et fondateur de la marque automobile Porsche, est décédé. Voilà. Et puis un dernier décès en 2006. Est-ce que vous saurez retrouver de qui elle était mariée? Ah. C'est le décès de Coretta. Celle qui est mariée et celle Coretta, qui est morte. Ouais, celle qui est morte, c'est Coretta Scott King. Et elle est veuve de Martin Luther King. Martin Luther King. Ah. Ouais, effectivement. Oui, bah, ça aurait pu être un autre King. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des Kings. Hein. On va en trouver. En tout cas, des Kings qu'on dirait. Peut-être c'est King ça. Kong. Bah déjà les kings ils sont exécutés pour trahison donc ah oui c'est vrai ouais, effectivement voilà rapport à la première voilà bon ouais, ok d'accord et quand on pense que son est la journée internationale de la non violence et de la paix on comprend pourquoi hein, par rapport à tout ce que j'ai dit comme événements qui se sont passés le jour là quoi d'accord. On a eu très peu d'infos sur cette fameuse Martine martyr. C'était juste pour dire, tiens, le prénom Martine alors, vient de là, c'est ça ? Je vais te compléter, parce que Martine Martyr, c'était donc au 3e siècle, et c'était à Rome, voilà. Elle est vénérée comme la sainte patronne de Rome, et elle est invoquée pour la protection contre les maladies et les épidémies. Ah, bah tiens ! Voilà. Un peu tard. Ouais. Malheureusement. Pourquoi elle est martyre, ça je ne sais pas. Mais elle est Martine. Elle est Martine. Et ça, on sait. Bravo. Et on a même pas un petit dicton comme ça sur la Sainte Martine ? À la Sainte Martine, qui dorme. Ouais. J'ai vu tout de suite dans son regard que ça allait être inventé. Et nous n'avons pas été déçus. C'est bien. Très bien pour ce 30 janvier. Ça aurait pu être bien pire, quand même, lourd, comme ça. Lourd d'actualité, même si aujourd'hui ça paraît à peu près, à peu près calme. J'aurais pu te dire aussi que le 30 janvier, c'est là où il y a eu la première transplantation de main humaine. C'était en 69. Et puis que le 30 janvier, la tour Taipei, donc à Taïwan, devient le plus haut bâtiment du monde en 2003. Voilà, j'aurais pu dire ça aussi. Tu l'aurais pas dit. Malheureusement, tu nous l'as pas dit. Du coup, nous ne le savons pas. C'est bien dommage. Mais ça a été largement dépassé par le Burj Khalifa à Dubaï entre-temps. Oui, clairement. Ah oui, d'accord. Autant l'histoire, je suis nulle. Autant tout ce qui est taille d'immeuble, je suis assez bonne. Ah ouais, on voit. La Tour Eiffel. Taille de monument. La Tour Eiffel, c'est 420. Ok. Après Jésus-Christ ou avant ? Ça me paraît beaucoup pour la Tour Eiffel. L'autre, il prend son téléphone, tu sais, il est déjà en train de se dire. C'est 400, non ? 380, je crois. C'était juste en dessous, juste au-dessus de 400. C'est plus bas que le Honeck. Parce que le Honeck, c'est 1300 quelque chose. 1363, je dirais. Donc c'est plus bas que le Honeck. Hein. D'accord. Et bien, visiblement, Caro a coupé Internet pour pas que je vérifie. Donc. Et oui, okay. Mais moi, je sais d'un coup. Alors c'est bizarre, il me met deux tailles, mais en tout cas, c'est 330 mètres. 330. Donc voilà. J'étais largement au-dessus et bravo à toi. Mais. Très bien, bah écoutez, merci Tristan pour point éphémérique. Merci Caro pour ce point taille de bâtiment. Bah, je vous en prie. Et merci à nos deux fact-checkers qui ont été tout à fait pertinents pour cette section de l'émission. On va revenir après une nouvelle pause musicale. Avec cette fois-ci, on va parler vraiment en détail de ton seul en scène, Tristan. Ouais. Si ça te dérange pas qu'on fasse un peu de promo. Je sais que les gens en général détestent. Je fais pour toi. Oui, c'est pas facile. Ouais. Je fais pour toi. Merci beaucoup. Merci. Et on va écouter la SCH, la pluie. C'est un choix de Maé. La SCH, c'est un élément chimique. On va écouter là. On va écouter. C'était ça. Non, c'est pas un élément. SCH. C'est la Suisse. Non, c'est le nom d'un rappeur. Ah, tu vois. Okay. C'est marrant parce que nom. C'est quelqu'un s'appelle comme ça. Bah, après, le fils d'Elon Musk s'appelle X1, donc. Attendez, oui. vous connaissez pas le rappeur SCH ? Non. Non. D'accord. Wow, là, il y a un vrai fossé de génération dans ce studio. Mais je connais les Beatles. Moi aussi. Oui, oui mais eux, vous voyez, Maé et Abdelhakim connaissaient les Beatles et connaissent SCH. Vous ne connaissez pas SCH. Et visiblement, on est supérieur. Mais bien sûr, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus. Et ils n'arrêtent pas de vous prendre de haut. Oui, mais vous devez être au-dessus parce que là, les défis mondiaux sont tellement énormes. Vous devez être au-dessus, sinon vous êtes mort. Ah oui. Beaucoup de pression qui est mise d'un coup. Alors, on va écouter donc du coup SCH avec La Pluie, qui est un rappeur de Marseille, si je ne m'abuse. Voilà. Oh, il n'a pas eu souvent La Pluie, sans doute. Marseillais, c'est vrai. Alors, écoutons ce qu'il en dit et on revient juste après pour l'invité Showbiz. Son âge n'a pas de cœur, c'est fort dommage, l'odeur aussi. Le froid, l'hiver, le sang, la sueur, le dur, la beurre qui commence la nuit. Plus le temps défait, moi je ressemble à mes semblables. Le haut du panier, la voix qui commande, dites du transat. C'est ma faute, si les gens disent que c'est ma faute. Ce soir le phare n'appelle plus le large. Ce soir la peine n'a même plus de larmes. Les pieds de biche entre l'entretoise et la porte. Une lame de rasoir contre la harte. Des gens m'ont trahi puis sont revenus. Je crois qu'ils sont nés bien avant la honte. Quelques erreurs dans l'œsophage. Le produit transpire dans le cellophane. Et la vie devient si volatile que le vent seul pourrait s'arracher nos âmes. Ma mère pleure des souvenirs qui ne sont plus que des souvenirs. Ma rage pleure, je m'en sors, donc elle pense à son avenir. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée de l'âme sur les manches des chemises blanches. Si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Bras vers la tempête, sous la visière fumée du casque. Regardez mon pire ennemi dans le reflet d'une glace. Elle m'a appris à planquer mes pleurs derrière un sourire. Ma mère m'a vu mentir, mon père m'a pas vu grandir. All eyes on me, mais j'ai le corazon vide, vide. Maintenant les rides marquent nos visages. Et puis la mort fait moins d'audience que la violence. Mais le silence cache ses bleus sous du maquillage. Vaut mieux que je pleure dans ce bolide allemand que je pleure dans ces taudis maudits. J'ai coupé les ponts radicalement. Et on n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée de l'âme sur les manches des chemises blanches. Si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Braver la tempête sous la rivière fumée du gaz. Regardez mon pire ennemi dans le reflet d'une glace. Elle m'a appris à planquer mes pleurs derrière un sourire. Ma mère m'a vu mentir, mon père m'a pas vu grandir. Est-ce que t'es... SCH avec la pluie. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Et on a eu le droit à une petite critique, j'ai envie de dire, musicale. Petite. Non, bah, l'émission en retard sur son temps, tu viens de dire, on l'est, mais on l'assume. Voilà, oui, c'est ouais. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. CH, non, on s'intéresse. Hein, on est... Moi, c'est la Suisse. Voilà. D'accord. C'est pas du rap. C'est CH, la Suisse, mais ok. Ouais, ouais. Ah, ouais. Et Maë m'a quand même dit que j'étais un boomer. Mm. Ça, personne n'a relevé. Et moi, okay. Le fait qu'il dise ça, boomer, je me dis, waouh. C'est quoi? Bah, c'est un peu classe, quoi. Ah ouais, un jeune qui dit boomer, pour moi, c'était. J'avais prévu un générique. Tata. Voilà. L'invité show business de 18h. T'es un peu en boule. Pour une fois que ce générique colle vraiment avec la thématique, on le fourre toujours à. Bah, dès qu'on a un invité, quoi. Sauf que là, en plus, il colle pas parce que t'es pas vraiment un invité, mais. Oui, c'est vrai. En plus, ouais, donc, ouais, non, il colle toujours pas. Ça ne colle jamais. Ouais. Oui, Maï, il fait autre chose. Pardon, je suis désolé. Effectivement, on le dénoncera à la police. D'ailleurs, si vous êtes policier et que vous écoutez cette émission, venez chercher Maï. Rue Charles III. S'il vous plaît. Voilà, rue Charles III, on est au studio de Fadjet. Donc. L'invité showbiz, bah, c'est toi, Tristan. Mais non. Puisque tous les autres ont décliné. Tous les autres ont décliné, les autres ouais. Invités. On a, il y en a eu 47, hein. Je peux vous dire. Moi, si vous regardez mes conversations Messenger, c'est une liste de oui, gens qui ne me répondent pas. Non. Est-ce que ça te dit de venir à l'émission? Par contre, demain, tu vas avoir une liste de décédés. Parce que je veux passer dans cette émission. Ah, d'accord. Il a fallu que je désigne 47 personnes pour être l'invité de cette émission. Voilà. Et donc, tu viens nous parler, enfin, tu as accepté de nous parler de ce que tu appelles ton seul en scène. Enfin. Ce que les jeunes gens appelleraient un one-man show. Ouais, c'est ça, mais c'est mon côté franchouillard. Ouais. Ouais, enfin, hein, depuis le temps que j'en bah parle, oui, c'est hein, vrai cette que, radio. C'est vrai que ça fait partie des plus vieilles sagas de notre émission. Ouais, c'est la Madeleine de Proust. Parce que moi, je ne sais pas, moi, eux non plus. Donc, depuis combien de temps tu en parles, Tristan? Ouah, 3 ans. Ah ouais? Je pense à un truc comme ça. Ouais, tu fais un sketch, et puis après, entre le sketch et puis le seul en scène, il se passe beaucoup de temps, d'autant plus que tu as d'autres projets, etc. Mais ouais, non, là, ça y est, j'arrive au bout du bout. Normalement, j'ai déjà une date dans mon village. Normalement, le 28 février. À Rouet. À Rouet. Bien évidemment. À Rouet, que je devrais jouer le 28 février. J'en parlerai sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais ouais, ça y est, enfin, c'est sorti. Quoi. Donc, du coup, on est sur un spectacle de combien de temps? une heure dix, quelque chose comme ça. 1h10, d'accord. Ouais, ça, est-ce que t'as différents sketchs que tu enchaînes ou est-ce que c'est un flux continu Y a-t-il un fil rouge? Voilà. Il y a un fil rouge, c'est-à-dire que le fil rouge, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Au début, je parlais de ma cinquantaine, mais j'ai pas parlé que de ça parce que j'ai pas envie. J'aimerais bien que Maï vienne me voir. Bah tu oui. vois, et comme. Mais comme il connaît l'expression boomer, aussi. Lui pour lui c'est ok. Hein. C'est ouais, bah voilà. décevant que tu parles pas. Donc je ne parle pas que. Mais je parle de ma vie. Donc je parle de le fait que j'ai acheté une voiture électrique. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une voiture électrique? Eh ben il y a des choses où on est. Ça fait pas vroom. En fait. Et donc le côté masculin, le côté mâle alpha, t'imagines quelqu'un qui est qui roule en Golf GTI. Je pourrais en faire des questions. Tu fais très bien la Golf GTI, mais attention. Merci. Tu nous fais une petite troisième version de la Citroën GTI. C3 parce que je sais que tu le fais très bien aussi. On reconnaît tout de suite. Ouais. Et ben imagine ces gens-là dans 5 ans, 10 ans qui sont en électrique. C'est une révolution mais pour oui. ces gens-là. Tout d'un coup, plus de perception visible de ton pouvoir, quoi. C'est un peu ça. Plus d'hormones. C'est comment tu vas faire quand tu auras ta Jennifer à côté de toi et que dis donc, ça fait pas vroom. Qu'est-ce que je fais des clichés. Je fais des clichés. Jennifer, parce que ce sera non-genré déjà. Voilà. Oui, non, oui. Mais donc je parle de ça. Je parle que je suis devenu végétarien il y a 2 ans et le regard des autres sur le fait qu'il y a 2 ans à mon âge, en fait. Je sois passé végétarien, donc c'est aussi bien les gens de mon âge qui comprennent pas pourquoi. Et est-ce que t'es devenu végétarien il y a 2 ans? Parce que comme tu venais justement de commencer à écrire ton spectacle, ouais, t'as pris du temps, tu gagnais pas de pognon, fallait faire des économies, t'as plus mangé de viande. Mais tellement. Ok. Mais tellement. Ça se tient. Et là, donc, dès que j'arrive à avoir les premiers cachets, je me rue dans le rayon charcuterie. Bam, quoi. Ah, mais ouais, clairement. D'ailleurs, mon affiche, ça parle de ça. On me voit avec un pâté lorrain. Avec un pâté lorrain entamé. Parce que quand t'es végétarien, en tout cas, je sais pas. Il y a des végétariens autour de la table. Moi, je m'estime comme flexitarienne, c'est quoi ? Flexitarienne. Mais je me fais des sessions de végétarisme pendant 2-3 semaines. Ah, d'accord. Et bah, quand t'es végétarien. Je fais 8 heures par jour de végétarisme. Voilà. Le soir, boum, je fais une petite pause. Putain. Je ne mange jamais entre les repas. et quand tu es végétarien, le truc, pour moi, le seul truc pour lequel je dois lutter pour ne pas manger la viande, c'est le pâté lorrain. Ouais. C'est tellement bon. Ouais. Voilà. Et donc, je joue là-dessus, et c'est aussi pour ça que j'ai mis un pâté lorrain sur mon affiche. Ne cherchez pas une affiche avec un pâté lorrain, il y aura moi aussi au bout du pâté lorrain. Mais voilà, je parle de ça, je parle de... Oui, dis-moi. Oui, non mais parce que je trouve ça hyper intéressant, il faut qu'on en parle de ça. Tu parles de pourquoi t'es devenu végétarien ou plus oui, comment je parle ou des conséquences. Pourquoi, mais je parle surtout du regard des autres. Le regard des jeunes qui ne me croient pas, le regard des anciens qui me considèrent comme un fiché S, comme si du jour au lendemain j'étais devenu fiché S. Et oui, pourquoi tu fais ah oui, d'accord, c'était un code qu'on avait convenu. Donc c'est surtout le regard des autres, voilà. Et puis j'ai aussi embarqué dans ce spectacle-là des sketchs que j'ai pas mal joué au close-up. Parce que j'ai fait 3 close-up, 3 saisons d'affilée avec François Barthélémy. Et chaque année. Qui est le directeur de cette radio, si je ne m'abuse. Il n'a pas le statut de directeur. Ah, c'est pas directeur. Faut arrêter. C'est pas parce qu'il a une moustache que il est directeur. Par défaut, je le vous vois. Auquel cas, moi. Oui, il est impressionnant, il a du charisme. Tu ne vous vois pas, arrête, mytho. Non seulement je le vous vois, je baisse les yeux. Ah ouais. Tu lui tends un fouet. Et je balbutie. D'accord, balbutie. Et en parlant de François, c'est avec le même photographe qu'on a fait notre affiche. Ça alors, mais alors. Mais ouais, Loris Romano. Est-ce que c'est ce photographe qui a choisi le fond orange? Non, mais voilà, parce que j'ai imprimé. On n'est pas tous. J'ai imprimé plusieurs versions de mon affiche que j'ai soumise tout à l'heure, et c'est vrai que l'impression, ça rend vachement orange, alors que c'est jaune, beaucoup plus jaune normalement. Après, le pâté lorrain est mis en valeur. Ouais, vraiment. Il est mis en valeur. Moi, je trouve pas du coup, parce que le pâté lorrain, c'est quand même un ton un peu orangé déjà. Il est moins mis en valeur. Justement. Moi je trouve qu'au contraire ça. On va le mettre sur la page Facebook de la matinale de 18h. Si on revient à la vie. Si on retrouve les codes d'accès, ouais, pas de soucis. Voilà. Donc c'est tout des tranches de vie. Je parle pas mal de Haroué aussi, bien évidemment. Ah. De tranches de vie, de choses. Mais... Donc c'est quand même très personnel. On est sur un spectacle qui est un petit peu. Voilà, qui tourne à la dérision, mais un vécu de base. Ouais, on n'est pas, ouais. On est pas à 50 pieds au-dessus de la. Voilà. En fait, les trucs qui m'énervent, je les inverse. Voilà. Ah, on est quand même un peu dans le métaverse, alors un petit peu quand même. Comment t'appelles ça ? Dans le upside down. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui n'arrêtent pas de dégueuler sur la voiture électrique, par exemple, eh ben, je me mets à leur place en disant ouais, effectivement, vous avez raison de dégueuler sur la voiture électrique, mais en prenant des arguments complètement. D'accord, donc c'est quand même un tout petit peu politique quand même. Ah, clairement. On en ressort plus intelligent de ton spectacle, je pense. Moins bête. Au moins, on se questionne un peu. Voilà. Voilà, c'est le but du jeu. Plutôt que de dire mais si c'est bien la voiture électrique, c'est de dire non, c'est pas bien la voiture électrique à cause de ça. Ça me permet un peu de nuance dans ce monde brut. Ça me permet de te demander à toi, Caro, qui est également une amatrice de scène, une scénologue. Assez scénologue. Tu n'as jamais été tentée par l'aventure seule en scène, par l'aventure. Je l'ai fait parce qu'une de mes compagnies nantaises d'improvisation théâtrale a décidé, on faisait plein de concepts et on a fait l'exercice de faire une histoire improvisée seule avec un décor qui nous était imposé, etc. Ah oui, d'accord. Et je flippais, mais vraiment, parce que pour moi, l'improvisation théâtrale, c'est on est minimum deux, quoi. On se nourrit l'un l'autre. Et en fait, j'ai kiffé, mais c'était génial. Et donc, du coup, ça a duré combien de temps cette expérience? Ça a duré 1h15, 1h20. Ah oui, d'accord. Et t'as réussi à faire une histoire solo avec juste une. En rebondant sur mes propres idées, et puis j'avais quand même des impulses. Ok, ouais. Mais voilà, à part ça, non, c'est pas un truc. Quand est-ce que tu le refais, ça? Très bien. J'ai trop envie de voir ça. Je ne sais pas, tiens. Faisons un sondage. Est-ce que vous avez envie de voir ce genre de truc? Oui. Un spectacle solo improvisé. Bien sûr. Alors dans le studio, j'ai vu au moins 3 signes de la tête qui font oui. Donc je considère que c'est une majorité. C'est une majorité. Voilà. Sur 4, oui, c'est pas faux. Bah, c'est pas peu. Voilà, bah écoute, merci Tristan. Du coup, la première date, ça sera à Rouen. Ouais, normalement, j'attends validation que la Fédération des Foyers Ruraux ait bien réservé le matériel pour moi. Il faut la fédé, bien sûr. La fameuse FFR. Et à ce moment-là, ça sera le 28 février à Rouen. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et si on est végétarien, est-ce qu'on a une détaxe, une petite réduction? Oui, bien sûr. Ah. Ouais. Une détaxe sur les pieds. Une détaxe et peut-être même un jus détox pour les amis véganes qui écouteront ce petit one man show, ce petit seul en scène comme tu dis. Et merci à toi Tristan, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission qui est un quiz actu insolite que vous adorez, que vous aimez beaucoup, bien sûr. Chacun et chacune. Et avant ça on va écouter un autre titre, oui c'était C'est la sous Ragamuffin, c'est une volonté, une velléité de Caro qui adore. Oui. C'est tout ce qui est petite friandise jamaïcaine. Exactement. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pours. I rock him up as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know. Rock-a-muffin is a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rock-a-muffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah. So, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yeah. C'est la soue avec Ragamuffin. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Et c'est ce générique que vous reconnaissez parmi tant d'autres qui annonce notre jeu quiz insolite actu. Maintenant, je mets les mots dans le désordre, peu importe. Donc, le principe, il est très simple. Je l'explique pour nous deux confrères collégiens qui sont dans notre studio. Je vais vous poser des questions. Les réponses sont un petit peu bizarres, mais elles sont rigolotes. On les trouve. Parfois pas rigolotes, d'ailleurs. Mais l'important, c'est que vous tentiez des choses, vous donnez des réponses. Et si c'est faux, c'est pas grave, on s'amuse quand même. Et pour cette première question, on va demander à la personne qui joue de la flûte derrière d'arrêter un petit peu, voilà. Et pour cette première question, une question un peu vague. J'ai fait beaucoup de questions vagues aujourd'hui parce que voilà. Parce qu'on est le 30 janvier. Puis j'ai du vague à l'âme, donc voilà, je vous en fais profiter. Quel est le but du projet Blueprint? Donc, impression en bleu, bien évidemment. Oui, voilà. Ah oui. On est sur de l'art. Non, pas ah, du c'est tout. Faire imprimer des avatars de... Non. Est-ce alors, que c'est depuis le ciel qu'on le nom ne vous aidera vraiment pas. Donc en fait, vous n'avez pas grand-chose pour vous aider. Non, merci. Le nom ne veut rien dire et le projet, on ne sait pas ce que c'est. C'est un projet français. Ça n'est pas un projet français. Bien sûr, c'est américain. C'est un projet américain. Non, oui, américain. Parce qu'en plus, tu sais même pas. Si, je réfléchissais à effectivement américain-anglais, mais non, c'est américain. La question initiale, c'est... Quel est le but du le projet but Blueprint? Du projet voilà, Blueprint. C'est un projet qui est l'œuvre d'un millionnaire américain. Millionnaire ou milliardaire? Je crois qu'il est seulement multimillionnaire. D'accord, donc c'est voilà. Pas... Mais il est proche d'être milliardaire quand même. Quoi. C'est pas Elon Musk. C'est quelqu'un qui voue sa vie. Il fait un petit peu de business avec du coup maintenant, mais il a arrêté son ancienne activité qui était homme d'affaires. C'est lié au bleu quelque part ou pas? Pas du tout, blueprint. Ça veut dire l'empreinte. C'est dans l'espace? Ça n'est pas dans l'espace, mais j'aime bien ce genre de questions qui nous permet un petit peu de décoller. De resserrer un peu le domaine. C'est pour la santé. C'est pour la santé, voilà. Ça y est, on est sur un projet de santé. C'est pour sauver des vies. Pas forcément. Oui, si. Objectivement, ça sauve des vies. Ouais, est-ce qu'il y a un côté technologique, un truc hyper technologie de pointe? Pas. En fait, oui, mais pas au sens où on l'entend communément, voilà. C'est une forme de technologie un peu novatrice. C'est un projet qui l'a mené à terme? Non, il est en cours. C'est un projet il est en cours. Ok, voilà. C'est une machine? Non. D'accord, c'est un homme, c'est un robot. C'est un lieu? Non, c'est pas un lieu. Voilà, projet Blueprint. C'est quelque chose qu'il fait pour, disons, en quelque sorte, aider l'humanité. Et Print, ça peut nous mettre sur la voie? Non. Il y a vraiment rien. Il y a même pas une lettre qui peut vous aider dedans. D'accord. Pourquoi on cherche ça? C'est pas pour le cancer, pas directement en tout cas. Si on trouve ça, le but de santé derrière, c'est... Oui, ça dit, enfin, vous répondrez à la question. Oui. C'est une maladie en particulier que ça traite? Non, ça ne traite pas justement. Ça ne traite pas une maladie en particulier. Par contre, ça décèle. Ça tue les gens plus vite une fois qu'ils sont atteints d'une maladie. Justement, non. C'est sur l'euthanasie? Dresser des cockers pour pouvoir repérer si tu as une maladie à venir. Exactement. Non, pas du tout. Mais il y a d'autres gens par contre. C'est vrai. Le projet Yellow Print. Ça peut être effectivement un projet à venir, oui. Mais non, alors donc du coup, on est sur un projet de santé général. C'est fait par un millionnaire américain, qui est mormon d'ailleurs, je vous le dis. Qui veut. Bah, ça n'a pas trop à voir avec sa mormonnerie, je ne sais pas. Donc, ouais, on est sur un projet de santé globale. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment sur. Il y a un but qui est quand même un but que. N'importe quel être humain, surtout avec beaucoup de pouvoir à caresser du... Ce serait pas être immortel. Immortel. Le but du projet Blueprint, c'est globalement l'immortalité. C'est en fait Brian Johnson, vous avez peut-être entendu le nom de ce millionnaire américain, qui en fait s'est lancé le but de rajeunir, voire de ne plus mourir. En utilisant son propre corps et ses propres expériences qu'il va mener de son côté pour essayer de maximiser sa durée de vie le plus possible. Il y a un reportage sur la plateforme Netflix au sujet de un documentaire au sujet de cet homme, et on le voit dans son quotidien manger des pommes manger des pommes, se lever tous les jours à 4h du matin, tous les jours à la même heure, se coucher tous les jours à la même heure, ingérer plus d'une centaine de gélules qui sont des compléments alimentaires. Donc en fait, il a plus de vie pour pouvoir vivre. C'est exactement, ça. Oui. Et en fait, on continue à vivre comme ça très longtemps. Exactement. À bouffer des gélules. Et en fait, son but, c'est justement de servir un peu de cobaye pour l'humanité, pour voir est-ce que jusqu'où on peut aller si on fait une discipline absolument militaire dans son corps. Et d'ailleurs, il a même eu recours à la thérapie génique. C'est quoi, donc il se fait injecter des gènes, des choses comme ça dans ses cellules. Et il a également eu recours au don de plasma de la part de son fils, c'est-à-dire qu'il va prendre le plasma de son fils, il se le fait injecter pour voir si ça a des effets. Voilà, Brian Johnson, si vous êtes intéressé par c'est pas trop compliqué. Il y a sa photo ou pas? Oui, il y a sa photo. Il fait son âge? Alors, c'est dur à dire. Moi, je dirais que... Bah, en fait, dans le reportage, il est filmé en permanence, hein, donc il est très connu maintenant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet homme partage absolument toutes ses trouvailles sur ses réseaux sociaux. Évidemment, il a un business derrière, mais en tout cas, ça vous permet de voir si vous avez des questions sur est-ce que c'est bien ou pas pour la santé. Globalement, vous pouvez aller voir ses sources, puisqu'elles sont... Il est très contrôlé par des médecins. Pour l'instant, il n'y a rien de déconnant. Enfin, je vois une image, il est né en 77. Oui, voilà. Non, mais c'est bien. Au moins, il part pas de. Il fait pas hyper jeune ou il fait pas hyper vieux. Ouais. Après, il a commencé depuis 2-3 ans déjà. Hein. Attention. Voilà. C'est Brian Johnson. Et d'ailleurs, ils estiment. Parce qu'il y a le chanteur de AC/DC qui s'appelle Brian Johnson. Il propose les photos de Brian Johnson à AC/DC. Ils estiment dans le reportage qu'il a perdu, entre guillemets, 5 ans d'âge biologique. Puisque des médecins font des tests sur. Gagné ou perdu? Au lieu de faire 45 ans biologiquement, il fait 40 ans. Il fait 40 ans. Oui, voilà. Donc il a gagné. Oui, d'accord, ok. Oui, en faisant moins 5. Il a gagné moins 5. Et vous voudriez être immortel les uns non, les autres? Non. Abdelhakim, non. C'est trop tard, mais vous peut-être? Non, vous en avez déjà marre. Ça fait à peine 15 ans que ça a commencé, ils en ont déjà marre. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ok. On est trop sur Terre. Non, mais après, on dit ça si vraiment on avait un skill spécial, tu vois, un truc un peu. Oui, pardon, je parle anglais. S'il faut manger, je sais pas combien de gélules par jour, ça sert à rien. Voilà, c'est la notion de plaisir. Voilà. Se lever à 4h du mat. Imagine, je sais pas, t'as un pouvoir de dingue, t'arrives à soigner avec tes mains plein de gens partout dans le monde, tu fais des miracles. Bon, c'est peut-être le coup de cette personne-là, la faire vivre le plus longtemps possible. Il y a moyen qu'on te crucifie et qu'on se fasse de toi quelqu'un de très grand. Oui, sinon, c'est vrai qu'on crucifie encore beaucoup au XXIe siècle, on en parle peu, hein, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde. Si par exemple, vous pouviez rajeunir, c'est-à-dire vous revenez 5, 10, 15 ans en arrière. Ah bah peut-être, bien pas, sûr. Peut-être pas 15 ans pour vous, parce que ça va être compliqué, Maï Abdelhakim, mais... Un rêve que tout le monde a, non, de se dire, si je revenais en arrière, puis je tente ce choix-là, cette piste-là dans ma vie. Qu'est-ce que tu entends par revenir en arrière? C'est ça, hein, refaire la question, ta vie, revenir dans le passé. Tu reviens à 20 ans et puis tu prends une autre décision que celle que tu as prise. Ah non. Pour tester, moi j'adorerais faire ça. Oui, qu'on a tous fait des erreurs. Mais qui te dit que en corrigeant ces erreurs-là, tu vas pas en faire une autre derrière? Justement. J'ai même une autre question. Qui te dit que tu n'es pas justement en train de le faire en ce moment? Et voilà. Mais tu ne t'en rappelles pas. Erreur. Oui. Peut-être. Eh oui. Tu sais juste qu'il y a un chemin où tu ne pourras pas prendre cette chose. Ah oui, ça c'est dans l'hypothèse où on revient en arrière, mais on oublie qu'on est revenu en arrière. Exactement. Donc, on l'a déjà fait plein de fois. Mais ouais. C'est un peu le principe de la réincarnation, finalement, plein de vies, plein d'expériences. C'est vrai. Ça va devenir métaphysique. Il faut que j'intervienne tout de suite. Sinon, on n'a pas fini. Alors, signe tout. Donc, effectivement, voilà pour Brian Johnson. On va passer, encore une fois, une question un peu vague. De quoi s'est plaint une dénommée Stelina Freitag récemment? On est cette fois-ci en Europe. On est Pourquoi en Europe. Tu dis pas centrale. Carrément à quoi je pense? Vu que c'est des questions vagues, de toute façon, vous avez quand même un nom, vous avez Stelina Freitag, et elle s'est plaint de quelque chose qui se passe Suisse, qui se passe dans la montagne. Ah, on a la Suisse, Suisse germanique en plus, Freitag, qui veut dire vendredi. Je crois qu'elle est autrichienne, je ne suis pas sûr. Elle s'est plaint de la fonte des glaciers, elle a dit oh, pas bien. Non, alors il s'agirait d'abord de trouver peut-être qu'est-ce qu'elle fait cette. Styliste. Qu'est-ce qu'elle fait dans la. Dans la vie, ouais. Dans la vie elle... Donc, on est en Suisse, on est dans les montagnes. Elle se baigne tous les jours. Non. Elle travaille en Suisse? Non, elle travaille partout en Europe. C'est juste qu'il y avait, disons, une partie de son travail qui se faisait en Suisse. Oui, Abdelhakim. Sportif? Exactement, c'est une sportive. De quelle... Enfin, après, la discipline, voilà. Ouais. Mais il lui est arrivé quand même une petite mésaventure à cette sportive Stelina Freita, qui fait du saut à ski, d'ailleurs, je vous le dis. Elle a perdu un bras. Elle fait du saut ski. Non, justement, elle n'a rien perdu, au contraire, elle a gagné. Elle a gagné un bras, exactement. Non, elle a gagné une compétition qui se jouait à Garmisch-Partenkirchen, mais elle s'est plaint de quelque chose. Pourquoi tu parles de la Suisse alors que c'est Garmisch-Partenkirchen, c'est en Allemagne? Ah, elle a gagné, mais... Bah, je sais pas. D'accord. On vous laisse aller au bout de la parenthèse. Non, parce que c'est réputé Garmisch-Partenkirchen pour le saut à ski, en plus. Le tournoi des quatre tremplins, notamment, il y a Garmisch-Partenkirchen. D'accord, ok. Mais il a l'air de connaître. Monsieur... À l'époque, je suivais ça. Le saut à ski? Ouais, le tournoi des quatre tremplins. Okay. Je saurais plus te dire le nom des trois autres tremplins, mais rien que le nom, j'adore. Garmisch-Partenkirchen, t'as pas envie de le retenir. C'est vrai, d'accord. Voilà. Donc on est en Allemagne, mais il y a quand même de la Suisse qui viendra, mais vous en occupez pas du coup. Okay. Mais donc du coup, elle s'est quand même plainte de quelque chose. Elle a gagné l'une des étapes des quatre tremplins, là, et elle s'est plainte de quelque chose. Elle s'est pris un oiseau en plein vol. Non. Des inégalités, des trucs comme ça. Et ben, c'est exactement ça. Bah, j'ai envie de donner le point complètement à Abdelhakim. Puisqu'en fait, elle s'est plaint d'avoir gagné. En fait, elle a remporté cette manche de la compétition. Et on lui a offert un sac avec du gel douche, du shampoing et quatre serviettes. Oui, alors que les hommes masculins gagnent 3000 francs suisses, 3000 euros. Et elle s'est plaint de cette inégalité. Après, ça dépend de la matière de la serviette. Très bonne réponse, Adelakim. Bravo très à toi. C'est vrai. Oui. Voilà, et donc du coup, ça a fait un petit peu le scandale sur cette inégalité. Et elle a raison. Je l'avais vu en plus. Mais oui, c'est comme ça. On va partir maintenant aux États-Unis. Sans blague. Oui. Avec une question vague. C'est la dernière question vague de la journée. Qui est Jackie Stewart? Qu'est-ce qui a récemment été banni par la Maison Blanche? Donald Trump? Non. L'établissement. C'est même. Je vais vous le dire, c'est par le site de la Maison Blanche. Le site de la Maison Blanche a changé des choses. Qu'est-ce qui a changé? La couleur de la maison? Non. Tu veux dire, est-ce que c'est un rapport avec le switch Biden-Trump? Oui, il y a eu un switch et donc du coup la nouvelle administration a repris en main le site internet et il y a des changements qui ont été faits. Pas bien. Je sais pas à moi de juger si c'est bien ou pas bien. Ça nuit à certaines personnes par contre, oui. Ah, ça nuit à certaines personnes? Oui. Les aveugles? Non. Les muets? Non. Un truc qui a disparu du site internet et qui nuit? Comment? Les handicapés? Les handicapés, non. Les handicapés, parce qu'il y avait plein d'handicapés avant sur internet. Il y a plein de photos. Bah oui. C'est par rapport à l'accès, c'est par rapport à la lisibilité. Alors non, c'est pas lié aux personnes, c'est par rapport à la lisibilité, effectivement. La lisibilité du site internet, on est bien. Oui, c'est plus qu'en anglais. Ah. Je vais te l'accorder parce que c'est quasiment ça. Ouais. C'est qu'en fait, il a supprimé la traduction en espagnol de son site. Ça va loin quand même. Je pense pas que c'est Donald Trump qui s'en soit chargé. Mais donc, j'ai été vérifié. Hein, j'ai info sûre puisque j'ai été sur le site de la Maison Blanche qui est maintenant avec une énorme photo de Donald Trump. Alors, je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, on voit bien que l'administration a changé. Mm. Et il n'y a pas de possibilité, effectivement, de traduire le site dans une autre langue. Tout comme les mentions aux anciennes administrations ou à la Constitution américaine ont été supprimées de ce site de la Maison Blanche, qui est donc maintenant un espèce de site étendard de Donald Trump. Est-ce qu'il y a Elon Musk en photo ? Mais qui est quand même assez fluide. Non, il y a juste Donald Trump. Bon, en tout cas, j'ai pas fouillé toutes les pages non plus du site de la Maison Blanche. Non, c'est pas si foufou, finalement, c'est assez cohérent comme info. C'est un message, c'est en tout cas un message à demi-mot envers la communauté hispanique. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent d'un reporter pour France Info. Ici, c'est l'anglais. C'est un peu comme si, au final, maintenant, la langue, ça sera le Cheyenne. Puisque, au tout début, la terre appartenait au... Oui, mais il faut savoir que les Cheyennes parlaient espagnol. Ah ouais? Non, bah non. C'est dommage, la boucle aurait été bouclée. Ouais, c'est vrai, hein. C'est cherche vrai. Une autre tribu qui aurait pu prendre jeu de mots à deux bases, mais je ne trouve pas. On va rester d'ailleurs aux États-Unis et on va parler. Alors, je m'excuse pour nos jeunes mineurs. C'est un truc de vieux. Studio. Ah. Non, pas du tout. C'est un truc illégal. Intelligent. Ah. C'est de la drogue. On va parler d'une mésaventure qui est arrivée à une consommatrice de drogue floridienne. Donc on est en Floride aux États-Unis. Floride. Qu'est-ce qui est arrivé à cette dame, une mésaventure liée elle avait planqué la drogue là où il y a eu les incendies. Donc la drogue a brûlé. C'est en Floride, en Californie. Ah. Oui, voilà, c'est une mauvaise. Il n'y a pas une tornade par hasard? Non, ça n'est pas une tornade. C'est vraiment une erreur qu'elle a, elle a fait. Elle peut s'en prendre à elle peut en prendre à personne d'autre. C'est vraiment elle. Les conséquences sont dramatiques. Elle a perdu pour la drogue. Elle a perdu la drogue au final. Non, elle l'a pas perdue. Non. C'était du fentanyl qu'elle voulait, voilà. Ah, elle voulait du fentanyl. Ouais. Donc qui est une drogue très caca boudin là-bas, qui est c'est... ultra dépendante. Oui, oui. Après, il lui est arrivé un truc. Elle voulait en acheter. Elle voulait en acheter, oui. D'accord. Et elle a acheté autre chose. Non. D'accord. Elle a rien acheté du tout au final. Elle a rien acheté du tout. Elle s'est fait arnaquer du coup. Bah, elle est morte sur le chemin. Elle s'est pas fait arnaquer, non. Elle est pas morte sur le chemin. Elle s'est dit tiens, je vais arrêter le. Elle a acheté fentanyl. Autre chose. Non, elle a rien acheté. Hein. Elle a vraiment rien acheté. Elle a pas changé d'avis. C'est juste que. Voilà, elle a eu une petite mésaventure sur le chemin, quoi. Elle a eu une mésaventure. Pas sur le chemin, mais entre le moment où elle commande et le moment où. Elle s'est rendue compte qu'elle était allergique. Non. Elle l'a acheté. Elle a un problème de santé. C'est quasiment ça, Maë. Ah. Je vais t'accorder le point parce que en fait, elle, au lieu d'envoyer un SMS à son dealer de drogue, elle a envoyé un SMS à la police, à un homme qui s'est révélé être policier. Qui est du coup en a profité pour. Ah oui, un acte manqué énorme quoi. Voilà, c'est ça. Elle avait un numéro de policier dans son portable. Bah je sais pas, je suppose que ça n'est pas mentionné dans l'article, mais soit elle s'est trompée de numéro, soit. La culpabilité était tellement énorme que. Voilà. Alors, merde. Ouais. Et donc du coup elle a envoyé un SMS à un agent de police qui en a profité pour faire de l'undercover, j'ai envie de dire, et l'a coincé cette pauvre, j'ai envie de dire, dame qui du coup est en prison. Voilà. Ah oui, carrément. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Ballon. On va maintenant partir du côté de Amsterdam. Non, du côté en Ukraine. On va partir à la de guerre. On va côté. Partir cette fois-ci à la guerre. Quel élément de son pactage, un soldat coréen capturé à Koursk, nord-coréen, capturé à Koursk, a-t-il refusé de céder aux gens qui l'ont fait prisonnier? Puisque vous le savez, que les nord-coréens. Combattent aux côtés de la Russie dans cette guerre face à l'Ukraine. Et ce soldat-là, il a été capturé donc à Koursk, et il a refusé de céder un élément de son pactage au moment de sa reddition. Est-ce que c'est une image de Kim Jong-un? Ouais, j'allais dire une statuette de Kim Jong-un. Non, ça n'a pas à voir avec Kim Jong-un. Non. D'accord. Pas de près. De loin, c'est vraiment loin. Le petit livre rouge. C'est un objet lambda, je dirais. Qu'on pourrait avoir, nous aussi, un truc... Je pense pas que vous en avez, non. Mm. Vous n'en auriez pas, vous. C'est pas le petit livre rouge non. du communisme. Tristan n'en aurait pas 100%. Voilà. Tristan, un truc avec de la viande dedans. Un truc avec de la viande. Oui, bah, je pense que... Je pensais pas que tu choperais aussi vite l'allusion. Okay. Qu'est-ce que ça peut être? Un bout de gibier. C'est un plat coréen? Non. Russe, c'est vraiment alors. Très simple, hein, c'est vraiment. Du coup là, un animal de groupe. Non. C'est un steak haché. Pas loin, on est dans ce domaine-là. Oh, on est sur du bon steak. Non. Mais un truc alimentaire. Oui. Viandard. Voilà. Alors, on va peut-être trouver l'animal. J'ai juste envie que vous disiez le mot parce que le mot est quand même rigolo, l'image est rigolote. Du jambon. Quand on le. Non, pas sur du jambon. C'est du cochon. On est sur du cochon. Un poulet rôti. Ça peut être un peu de tout, franchement. Ça peut être un peu de tout. Ça peut être un peu. C'est un plat. C'est un plat. C'est de la viande mais spéciale. Ouais, c'est de la viande spécialement. Enfin. C'est une partie d'un animal. Pourquoi il voulait pas manger quoi. Non. C'est ça peut être de n'importe quel animal. C'est juste une présentation spéciale de la viande qui est très connue, très réputée. Un filet, un steak, des boulettes, Non, vous allez trouver. Je suis sûr que derrière leur radio. Pourquoi il voulait pas la donner cette viande. Oui. Parce qu'en fait, il y tenait. Je suppose que c'est quelque chose. Ça on peut pas juger. Dans leur, on a un attachement aux choses. Et il avait envie de. C'est quelque chose qu'il a ils lui ont laissé. C'est pour consommer, hein. C'est pour consommer. Mais c'est une. Du Kit Kat. Un truc à base de viande. Dans cette forme-là, voilà, on est sur. Faut bien que tu parles dans le micro. C'est pas la partie de la viande. Non, ouais, c'est une. Un mode de présentation de viande. Voilà, un mode de présentation. On en trouve absolument partout. Les enfants adorent ça. Une choucroute garnie. Les enfants adorent ça. Bah, le steak haché. Mais il y en a dans la choucroute garnie. De la saucisse. Ah, c'est oui, une saucisse qu'il avait dans son petit paquetage et il a refusé de la donner. Voilà. Et c'est mignon quand même, hein. Il a lâché sa grenade, parler, il a lâché son gun, mais la saucisse, non, je ne la lâcherai pas. Laissez-moi ma saucisse. Et on imagine la scène. Voilà. Ils lui ont laissé. Ils lui ont laissé quand même. Ils ont accepté. Comme quoi. Ils ont fait une analyse de risque sur la saucisse, ils se sont dit ça va. Non, c'est surtout que c'est dans les conditions de Genève. On doit laisser les saucisses aux gens qui en ont sur la convention. Bien, 1943. La convention sur les conditions de Genève. Conditions de Genève. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Les conditions générales de Genève. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, une petite dernière. Ouais. On a une petite dernière. Ah, celle-ci est quand même truculente. Qu'est-ce qui a fait la réputation du futur prétendant anglais au titre de champion de poids léger en MMA? Tu peux redire donc, la phrase. C'est un, je vous la fais dans l'autre sens. C'est un futur champion de poids léger MMA. D'accord. Qui est connu pour autre chose, bah pour quelque chose d'assez particulier. Son métier? Vas-y, finis ta phrase. Il est connu. Il est connu quand il fait des combats. Disons que le public apprécie particulièrement sa présence pour une raison très spéciale. Pour autre chose que la discipline MMA. Ouais, absolument. Il donne des bonbons. Il a des tatouages. Non. À chaque fois, il a un tatouage nouveau. Non. Il fait des câlins à l'adversaire. Il chante. Alors non et non. Non. Il est beau. C'est avant. Juste il est beau. Il est beau. Je n'ai pas vu. Je crois qu'il n'était pas moche, mais ça n'est pas sa particularité. C'est ses habits. Ça ne sont pas ses habits. C'est avant. C'est avant un truc. Est-ce que c'est un truc qu'on voit? C'est un truc qu'on ne voit pas. Non, on le voit pas. Hein. C'est un truc. Si vous montrez une photo de lui, ça vous changerait pas. Ça vous aiderait pas. Voilà. Et c'est avant le match. Bonne question. Pendant le match. C'est au moment de la présentation. Non, c'est ça. Il fait une danse. Son nom. Ouais. Il y a un truc avec son nom. D'accord. Il y aurait pas. Les gens adorent son nom. Un truc drôle, truculent dedans. Il y a un truc drôle, truculent. Ah, je sais pas si je vais vous laisser trouver jusqu'à la fin, mais c'est peu probable que vous trouviez. Mais disons, j'aimerais bien une petite piste qui me permet de vous lâcher là. Il y a le mot cul dans le nom. J'ai lâché le truc. Non, c'est pas ça. Et quelle nationalité? Il est anglais, britannique. Et c'est son nom qui est drôle en fait. Son nom est drôle, ouais. Il a le nom d'un homme politique? Non, mais je vais l'accorder. Il a le nom de quelqu'un de connu? Ouais, c'est Harry ça. Potter, je vais l'accorder au duo Caro Abdelhakim parce que il a le nom de quelqu'un de connu, il a le nom de quelqu'un ultra connu. Je vais peut-être essayer juste de vous faire trouver qui. Boris Johnson. Il est américain? La personne est américaine, ouais. Donald Trump? Non. Elon Musk? Bah non, non. Américain. Joe Biden? C'est un politicien? Non, ça n'est un pas acteur. Un politicien. Michael Jackson? C'est la personne la plus connue, je pense, au monde. Clint Eastwood? Je pense. Tom Cruise? L'artiste la plus Elvis... connue au monde. Ah, une artiste? Beyoncé. Ah, comment elle s'appelle? Taylor Swift, voilà, exactement. C'est Maï, je l'accorde à Maï. Il s'appelle Taylor Swift. Et donc, du coup, ça fait un petit boucan à chaque fois qu'il vient sur scène, enfin sur le ring pour combattre. Et voilà, c'est tout, j'allais dire, il va bientôt être champion pour les G. C'est ça. On a juste... C'était rigolo. Petite, bah oui, c'est sympa quand même, bon. Petit Taylor Swift comme ça. Une dernière, on va parler du pape François, puisque ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé cette émission. On m'a dit, tu viens, on parle du pape souvent. Donc, contre quoi le pape François a-t-il récemment mis en garde ses fidèles? Le végétarisme. Les moustiques. Non, et non. Allez, on a l'omelette. L'omelette qui n'est pas trop, pas assez cuite. Exactement, pas ça. Non. Oui. Un truc à manger? Un truc à ne pas ingérer? C'est pas à ingérer. Non, non, non. D'accord. C'est quelque chose de. Une habitude de vie. Une habitude de vie de nos jours. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Le papier toilette, il faut passer au jet d'eau plutôt que le papier toilette. C'est pas ça, non. Arrête, c'est pas ça. Méfiez-vous. YouTube, non, pas loin. C'est ça, pas loin. TikTok. Ouais, comment, disons. L'intelligence artificielle. Plus que ça, même. Plus. Ah, oh, vache. Plus large. L'informatique. Les influenceurs. Non. Le téléphone. Méfiez-vous des smartphones. Les écrans. Voilà, arrêter de passer son temps dans les écrans. C'est ça, globalement. La réponse est presque plus vague que la question. C'est ça. Il a mis en garde contre ce qu'on appelle le scrolling, sur le défilement sans fin sur les smartphones. Ah oui, d'accord. Qu'il a qualifié, tenez-vous bien, messieurs, dames, qu'il a qualifié de pourriture du cerveau. Ah, est-ce que c'est sur TikTok qu'il a dit ça? Il a dit au Jubilé du Monde. J'ai vu que c'était au Jubilé du Monde. Je ne sais pas ce qu'est le Jubilé du Monde. Malheureusement, je n'ai pas été jusqu'à vérifier ce qu'était le Jubilé du Monde, en tout cas. Bah, c'est la fin de la carrière du monde, et puis il réunit tous les autres mondes, et puis il fait un match de foot. Oui, salut, au revoir les mondes, au revoir. Très bien, eh bien, bravo pour ce quiz, ça s'est très bien merci passé. Merci à toi. Petit jingle, on apprend des choses. Travail. Ça, c'est la musique de fin. Et ça, c'est un jingle qui peut être approprié tout le temps. Vous voyez que vous avez 2-3 jingles quand même qui passent bien. Universel. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, il est. En plus, celui-ci, moi, je l'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment fin. Ouais, de... Ça se voit. Hein, t'as ça, un petit rictus, là. On a envie de ranger ses classeurs, de ranger sa trousse comme à l'école. Son équerre. Voilà, son compas. Équerre, etc. Donc, il nous reste une dernière minute pour dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Bonjour. Est-ce que Caro ou Tristan, vous avez des actus comme ça à promouvoir durant les semaines qui viennent? Vaccinez-vous contre la grippe, moi c'est mon principal actu. D'accord. Je viens actu, pendant actu deux vaccin pour Caro. Pour ce week-end, non, ça sera en février, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Oui, moi pareil. On se reverra effectivement. Voilà. Donc dans deux semaines pour notre. J'ai un truc important à dire. Oui. Ah, vas-y. Dédicace. Au revoir. Au revoir. Ah oui, c'est vrai. Que... Wow, qu'est-ce que vous revoir, disiez est magnifique. Vous Maï, peut-être revoir, aussi. Pardon. J'aurais jamais pu le faire. Ça. Au revoir. Au revoir. Wow. Voilà. On remercie nos deux stagiaires. Et donc, comme je le disais, on se retrouvera nous dans deux semaines. Avec d'autres stagiaires. Avec peut-être d'autres stagiaires. C'est vrai qu'on qui a. N'auront pas a, la même voix. On a beaucoup mais de stagiaires en ce moment. C'est talent. En moyenne deux par émission des stagiaires. Et en attendant la semaine prochaine, ça sera la voisinade avec Gaëlon et son équipe qui vous parleront d'autres choses que nous, puisque nous n'avons pas, je le rappelle, la même émission. En attendant, je vous souhaite la bonne soirée sur Fadjet et à bientôt. La ciao, bonne ciao. Bise. Bisous.